Lady Flora, par Maurice Renard. Je déposai la carte de visite sur mon buvard. « Faites entrer, » dis-je. L'homme fut introduit. Il était grand, mince, très élégant, un beau front délicat, une chevelure abondante, soigneusement rejetée en arrière, brune avec des reflets dorés et de larges ondulations, des yeux profonds, au regard mobile, incertain. Je me levai. Il m'aborda en gentleman, dans le mouvement dégagé, mais sous cette aisance, je sentais l'embarras de tous ceux qui viennent à moi pour leur propre compte. Je le laissai patiemment me parler de nos relations communes. Je le mis à son aise, de mon mieux. Enfin, quand il fut en confiance, il m'exposa l'objet de sa démarche. « Mon cher docteur, » dit-il, « j'éprouve le besoin de vivre hors du monde pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois peut-être. Il me faut la solitude, l'isolement, le silence. Je voudrais, voyez-vous, ne plus penser, n'avoir à m'occuper de rien, végéter comme une plante, suivre un régime régulier, dosé, un régime câlinant qui me ferait dormir. Oublier, voilà ce que je voudrais, oublier ou comprendre. Rien de plus facile, cher monsieur, dis-je en souriant. Nous avons ici toute une catégorie de pensionnaires qui ne viennent chez nous que pour se reposer. Il y en a peu, reprit-il, qui soient ce que je suis. Un homme stupéfié par une aventure affreusement bizarre. Tout mon bonheur, tous mes espoirs perdus. Et dans quelles incroyables circonstances ? Racontez-moi cela, fit-il avec un affectueux intérêt. C'est que, n'hésitez pas, je dois tout savoir pour vous secourir, et rien de ce que vous me direz ne sortira de ce cabinet qui est bien capitonné, comme vous voyez. Il commença sans me regarder les yeux baissés. L'année dernière, j'étais allé passer le mois de juillet dans l'hôtel le plus confortable d'une petite plage normande. J'y menais une existence agréable, travaillant chaque matin un drame en verre, et l'après-midi faisant de longues promenades au bord de l'océan. C'est ainsi que je connus Lady Flora. Elle était seule. Je la rencontrais souvent qui allait le long du flot comme moi. À force de nous trouver face à face, parfois très loin de notre station, nous en vîmes à échanger des sourires, des saluts, puis quelques paroles. Finalement, il arriva que je lui demandai la permission de raccompagner. Et de nos longues côte à côte, de nos haltes au creux des rochers, vous le devinez, l'amour naquit. Un très grand amour, docteur. Pas du tout le flirt que vous pourriez supposer. Ne me faites pas cette injure. Lady Flora était un être exquis, doué des plus hautes vertus de l'esprit. Chaque jour, je découvrais en elle plus d'élévation et de clarté. Jamais encore je n'avais trouvé sur mon chemin une femme aussi merveilleusement digne d'être adorée. Belle ? Ah, belle, c'est un mot qui ne signifie rien quand on parle de Lady Flora. Elle était pour moi la fée qui transfigure le monde, comme font le vin ou l'opium. Oui, tout devenait féerique, parce que nous nous aimions, et la vie, la pauvre vie, resplendissait parce que vivait Lady Flora. Cependant, nous savions que les joies étaient comptées et nous devions dissimuler notre bonheur sous les dehors d'une banale camaraderie. Lady Flora n'était pas libre. Tous les ans, elle s'échappait. Elle arrachait quelques semaines de liberté aux obligations que sa famille et son rang lui imposaient. Mais cette concession faite à l'indépendance de son caractère, le mari, les enfants, le tout Londres, artiste et littéraire, la reprenait. Moins d'un mois après notre première rencontre, il fallut nous quitter. Elle me défendit de lui écrire, jura de m'aimer uniquement, et me donna rendez-vous dans ce même hôtel le 1er juillet de l'année suivante. Je n'ai vécu pendant un an que pour être exact au rendez-vous. Et pendant un an, je ne me suis plus à écouter en moi les idées de Lady Flora. Elle m'avait ouvert d'immenses horizons sur la destinée, l'au-delà. Je revins à elle, façonné par son souvenir et ses croyances, l'âme élargie, devenue semblable à ce qu'elle désirait que je fusse. Dès mon arrivée à l'hôtel, au jour dit, mon premier soin fut de demander si Lady Flora était là. Le portier me surprit en me répondant négativement. Au moins s'était-elle annoncée. Avait-elle retenu sa chambre? Pas davantage. Je ne m'abandonnais pas au découragement. Lady Flora n'était pas de celles qui manquent à leur parole. Une femme comme elle ne pouvait trahir une tendresse comme la nôtre. Je me fis donc conduire à ma chambre, la même chambre que naguère, fermement persuadé qu'avant minuit elle serait là. Je ne me trompais pas, elle y fut. J'avais laissé la porte entrouverte, et tout à coup, sans avoir rien entendu, je vis Lady Flora devant moi, debout, telle que je l'avais vue lors de son départ. Elle s'avança, les bras étendus. Son visage était à la fois radieux et triste. Je la pris doucement dans mes bras, et sans un mot, nous restâmes enlacés, perdus dans une extase indicible, longtemps, longtemps, jusqu'à l'aube. Quand le jour blanchit la fenêtre, je la reconduisis jusqu'au seuil. Le couloir était désert. Elle s'éloigna comme une ombre en se retournant plusieurs fois. Vers 10 heures, je descendis sur la plage. Elle n'y était pas. Revenu à l'hôtel, j'interrogeai de nouveau le portier. Lady Flora n'est-elle pas sortie? Le portier m'examina d'un air stupéfait. « Mais, monsieur, cette dame n'est toujours pas arrivée. Nous n'avons reçu aucun voyageur depuis hier soir. »« Hein ? » fis-je sourdement, je croyais. « Monsieur veut-il qu'on le prévienne aussitôt qu'elle arrivera ?»« Non, non, c'est inutile. » Je m'éloignais comme dans un brouillard, à l'aventure, le cœur glacé. Je ne comprenais pas. Et pourtant, je ne puis dire que j'étais étonné. Seul pesait sur moi la plus morne désolation. Lady Flora ne reviendrait pas, j'en étais sûr. Et pourquoi maintenant me semblait-il n'avoir tenu dans mes bras qu'un fantôme? À ce point de son récit, mon visiteur, singulièrement embarrassé, courba la tête davantage et fixa le tapis d'un œil égaré. « Regardez-moi, lui dis-je avec douceur. Il n'en fit rien. Alors je m'approchai. Je lui relevai le front, je l'obligeai à supporter mon regard, je lui parlai d'une voix pesante et presque sévère. Vous saviez qu'elle était morte. Ne niez pas. Vous le saviez. Vous aviez lu dans les journaux la nouvelle de sa mort, n'est-ce pas? Vous n'avez fait là qu'un voyage douloureux, un pèlerinage de souffrance, sachant bien que vous ne trouveriez personne au rendez-vous. Personne. Rien. Vos souvenirs seulement. Dites la vérité. L'épouvante agrandit ses prunelles. « Mon Dieu » bégua-t-il. « C'est vrai, je le savais, je le savais !» C'était Lady Flora, par Maurice Renard.